بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد عندك يا محمد بارك الله فيك لام ما هي حرف جزم نفي وقرن أحسنت طيب ولما La même chose que l'âme. Taïm. Donne-nous des différences entre l'âme et l'âme. C'est que l'âme, sa réponse est supprimée. On peut supprimer le jawab, la réponse. Un exemple. Hal dahabta l'âme. C'est-à-dire, on aurait pu dire quoi également? L'âme adhab. Taïm. Également, il y a Iman. Les âmes différences. Ouais. Pas répète pas. C'est que l'amma, c'est jusqu'à maintenant, l'action n'est pas accomplie. Très bien, Inch'Allah. Allati. Est-ce qu'on peut. Il a un autre mot également ? Mohamed, empêche-toi, si tu peux. Merci. Le vide comme ça. Barakallahu fikoum. Il n'y a pas de mal. Andek. Allahi, Ahsan, Barakallahu fi. Comment on dit réception ? Président, Raïsou. Avec le pluriel, si vous avez. Ru'asa, Taïb. Distinction. Farqun, Furuq. Exemple. Naam, doucement, lentement. Mahlan, Taïb. Portion, partie. Qismun. Aqsam, Naam. Assister, naam, se reposer, le verbe en lui-même, istaraha, taïb, le verbe venir, arriver, ata ahsan barakallahu fikou, taïb, je suppose que c'est une petite révision comme ça, al-mudara' kam lahu halat. Le tableau, tu l'as là. Non. Nasb, il y en a combien dans le mudara? Deux. Al-Asl, ce sera de la Fatha. Fatha ouais. Et également, quoi? Et le, quand on enlève le Noun. Had fin Noun. Essaye d'apprendre les termes. Taïb. Et le Madzoum, combien d'alamat? La Sukun. Sukun. Et quoi également? Comment on fait maintenant là? C'est-à-dire, Mansoub, il y a. C'est par rapport à l'âme. Si on voit l'âme qui avant, on peut faire. Hein? Parce qu'on a dit le Mansoub, on enlève le Noun à des moments. Et le Madzoum, on enlève le Noun. Et comment on verra ça? Barakallahu fikoum. En regardant l'outil qui est avant. Taïb. Ya Rabbi. Taïb, bismillah, les frères. Ad-Dars, Thalita, Val-Ashroun. Taïb. بسم الله قرأ يا خالد أين المدرسين لا دخلوا الفصل الآن أين المدرسون لا دخلوا الفصل ولا هم في غرفة لا دخلوا الفصول لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين أظن أنهم في اجتماع اجتماعي أظن أنهم في اجتماع أرأيت المدرسين الجدد الجدد الجدد Aja'a. Aja'a. Aja'a. Pour qu'on sente l'istifham. Aja'a. Aja'a mudarrisuna jududun. Mudarrisuna jududun. Non. Ja'a khamsatu mudarrisin jududin. Non. Ra'ayta ahadahum fil maktabatin qabla qalil. Ismuhu Hussein ibn Hussein. Ibn al-Hassan. Ibn al-Hassan. Yadkhulu ahadu al-mudarrisin al-jududi. Suivant. À vous, les frères, s'il vous plaît. Taïb. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ya ustad. Ashkroukoum, ya ikhwani. Ashkroukoum, ya ikhwani. Regarde bien. أشكركم ما؟ يا إخوان أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم هذا؟ فيه 30 طالبا. ولكنني أرى 25 وعشرين طالبا فقط. فأين الآخرون؟ الآخرون هم غائبون اليوم. أي كتاب تقرؤون؟ نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبيين. نعم قصص النبيين. لمن هو؟ ولفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. كم صفحة قرأتم؟ كم صفحتان؟ قرأنا 53 صفحة. الكتاب فيه 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة. فبقي 37 صفحة. ما أجمل حقيبتك يا أستاذ، بكم اشتريتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشتريتها بثمانين ريال. أنا اشتريت مثلها بسبعين ريالا. نعم. أنا اشتريت حقيبة أصغر منها بستين ريالا. نعم. ديمو با كومبري؟ Wahbi, tu as compris, Inch'Allah? Taïm. Le darj d'aujourd'hui, barakallahu fikoum, c'est autour de Jam' al-Mudhakkar Salim. On a étudié quoi? On a vu un petit peu le Jam' al-Taksir, Waladun, Awlad. Après, on a vu Jam' al-Mu'annad Salim, souvenez-vous. Et c'était le pluriel féminin. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le pluriel masculin. هو اسم دال على اكثر من اثنين. طيب اكثر من اثنين pourquoi on a dit اثنين pour sortir du duel. طيب c'est à dire c'est à partir de 3 من الذكور عقلاء او اوصافهم طيب vous avez compris c'est à dire le pluriel masculin ce sera des gens qui raisonnent ou une description par exemple tu dis جاء العالمون ها جاء العالمون او جاء المهندسون هذه اوصاف طيب و par exemple tu dis بارك الله فيكم او جاء المحمدون او جاء الزيدون ça c'est le pluriel masculin. Comment on le forme بارك الله فيكم? Tu lui rajoutes un waw ou un nun. C'est pour ça qu'ils disent quoi? بزيادتي الواو والنون او الياء والنون صالحا للتجريد. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on peut supprimer quoi? Le waw et le nun. Ou le ya ou le nun. C'est-à-dire si tu enlevais le waw et le nun ou le ya ou le nun, tu vas trouver quoi? On avait dit le radical, le mot en lui-même. Vous avez compris? On dit un ingénieur. Muhandisun. Taïb, je rajoute juste le waw et le nun. Je dis quoi? Muhandisun. Alaykoum salam. Vous avez compris ça? Taïb, et ça ressemble à quoi? Ou Jam' al-Mu'annad Salim. Si on enlevait l'alif ou ta, on trouvait quoi? Le radical, le mot en lui-même. Vous avez compris ça? Tout le monde a compris? Ça veut dire il faut quoi? Pour faire un Jam' al-Mudhakkar Salim, il faut la base du mot. Taïb? Pourquoi je vous dis ça, barakallahu fikoum? Car tu peux trouver certains mots, ils sont sous cette forme-là, comme par exemple, Ja'a Ishrun Taliban. Ishrun, barakallahu fikoum, ils appellent ça Mulhaq. C'est-à-dire, il est rentré dans la famille du Jam' al-Mudhakkar Salim. Mais ça n'est pas un réellement. Pourquoi? Parce que si tu enlèves le nun, le wa et le nun, qu'est-ce qu'on dit? Ishr. Il n'y a pas de sens. C'est pas le mufrad de Ishrul. Vous avez compris ça? Hada ma'ana. Ça veut dire, dans la langue arabe, il y a des mots qui ressemblent à cette famille-là. Ishrul, thalathoun, arba'oun, ça veut dire quoi? La dizaine. Mais bon? Tout le monde a compris ça? Maintenant, barakallahu fikoum, comment on forme le jam' mudhakkar salim quand il est marfou' avec le waw ou le noun? Regardez bien, ça veut dire les trois terminaisons, elles ont rien à voir avec les terminaisons de base. Quand il est marfou' à la base, c'est quoi? La damma. Quand il est mansoub, la fatha. Quand il est majrour, la kasra. Jam' mudhakkar salim, il n'y a aucune de ces alama, aucun de ces signes. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes tout ça par cœur. Alors que Mouhannad Salim, on retrouvait la Dhamma quand c'était Marfou. Et on retrouvait la Kasra quand c'était Majrour. Non, là on parle du As. Et mais on ne retrouvait pas la Fatha. À la place de la Fatha, quand on était Mansoub, c'était quoi? C'est la Kasra. Alors que Mouhannad Salim, dans les trois terminaisons, il n'y a aucune de base. Ni la Dhamma, ni la Fatha, ni la Kasra. Mais Foumada? Alors quand il est marfou, ce sera quoi? Ja'a al-muslimouna. Mufumada? Ra'aytu al-muslimina. Nadartu ila al-muslimina. Mufumada? Et souvenez-vous, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'on avait dit pour le duel? On avait dit que le duel, avant le ya, il y avait quoi? Une fatha. Alors qu'ici, avant le ya, ce sera une kasra. Mufum, tu dis, ra'aytu al-muslimina. Nadartu ila al-muslimina. Hakada. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Et pourquoi l'importance de ça, Allah yibarak fikoum, on avait dit quoi? Quand il sera mudaf. Vous vous souvenez? Parce que quand il sera mudaf, tu diras quoi? Dia'a muslimi, par exemple, Saoudia. Dia'a muslimi, Al-Jazair. Dia'a muslimi, Tunis. Tu seras obligé d'enlever le noun. Pourquoi? Il est mudaf. Vous avez compris? Et dans ce cas-là, comment tu vas le reconnaître, Allah yibarak fik? C'est-à-dire la harakat avant le ya. Vous avez compris ça ou non? Tout le monde a compris? Voilà. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Tout le monde a compris c'est quoi le jam' mudhakkar salim? Taïb. Taïb. Iqra al-amthila al-atiya bi jam' mudhakkar salim. Taïb. Al-jam' c'est compris, le pluriel. Mudhakkar c'est quoi? Le féminin. Taïb. Le masculin, afwan. Et salim, on a dit quoi? C'est que. Ça, mais ça veut dire quoi, Allah yibarak fikoum? C'est que son mufrad, tu le retrouveras dans quoi? Dans le pluriel. Hada ma'ana jam' mudhakkar salim. Mais faut m'aider? Qui est l'inverse de quoi? Jam' taksir. Taïb, Inch'Allah? Parce que jam' taksir, il a dit, مثال waladun, tu dis, awlad, taghayyara al mufrad. Walakin lama taqul ja'a muslimun, ja'a al muslimuna, al mufrad mujud. Mufhum? Taïb. نقرأ إن شاء الله المدرسون في الفصول تلمودية أين المهندسون هؤلاء طلاب مجتهدون طلاب c'est quoi c'est un pluriel mais c'est quoi ici جمع تكسير لماذا تغير مفهوم هذا بارك الله فيك ici trouver un exemple de temps en temps un mot peut avoir un pluriel جمع تكسير et un jam' mudhakkar salim. Si ça revient, je vous dirai. Voilà, comme par exemple kafirun. Il n'y a pas de mal de ça. Écoutez le frère. Par exemple, kafirun, il a un pluriel, jam' mudhakkar salim, et en même temps, il a quoi? Un jam' taksir. Vous avez compris ça? C'est pas forcément si il est jam' mudhakkar salim, il n'aura pas un autre pluriel. Là, par exemple, rajul kafir, le pluriel, on peut dire quoi? Kafara. Vous avez compris? Au kuffar. Vous avez compris? Mais tu peux dire Jao al-Kuffar, Kafiroun, et l'akhir. Vous avez compris ça? Tu peux trouver des mots, Allah yibarak fikoum, il a un jam' mudhakkar salim, et en même temps, il peut avoir un autre jam' taksir. Ça, regardez dans le dictionnaire d'Abdel Noor, vous pouvez trouver beaucoup d'exemples comme ça. Un mot, il a plusieurs pluriels. Il peut avoir un jam' taksir, et en même temps, il peut te donner quoi? Un jam' mudhakkar salim. Taïb? أين أحمد وعباس وياسر هم غائبون منذ أسبوعين طيب يعبد المسلمون الله هؤلاء طلاب هنود وأولئك باكستانيون إن شاء الله كل من داكم خيا طيب اجمع الأسماء الأتية جمع مذكر سالم عندك يا أخي مدرس مدرسون très bien مدرسون مدرسون مهندسون مهندسون مسلمون مسلمون كافرون كافرون vous avez compris là si vous voulez après écrire كفرة également c'est un pluriel كفرة غائبون نعم مجتهدون مجتهدون مؤمنون نعم صالحون طيب الى نوت بلوريال صالحون كل كوني غاص الله جمسويا صلحاء ها زي كومبري صلحاء هؤلاء الرجال صلحاء طيب ان توكا جو بونس كاين انا بوكو والله اعلم Moi, je vous ai dit ça pour pas que ça vous perturbe. Hein, tu dis Abdelrahman, il nous a dit c'est Jamou Dakar Salem. Là, il n'y a pas de mal. Je vous ai dit la langue arabe est très vaste. Certains mots, il peut avoir 7 pluriels, 6 pluriels. Mais faut maintenant Taïb. Iqra mayali arba'a. Ça, c'est les dizaines. C'est pour ça qu'il dit hadi uqoud, les dizaines. Taïb, de 20 à 90. Tfaddal, on s'arrête où Tfaddal. 20 taliban. Et la règle ici, on avait vu quoi ? On avait dit quoi ? La chose comptée sera singulier, mansoub. Me faut. Et peu d'apprendre à quoi ? Que ce soit féminin ou masculin. Me faut, madame ? En suivant ? Ou talibatan. Arbaouna taliban. Ou talibatan. Naam. 50 taliban ou talibat. Non. 60 taliban ou talibat. 70 taliban talibat. 80 taliban talibat. 90 taliban talibat. Inch'Allah, tout le monde a compris. Ta'amul mayali al-marfou'. Hein, les frères, apprenez ça. Si vous pouvez même sur une petite feuille, comme ça, tu apprends tous les signes du marfou' maintenant. Hein, on connaît quoi comme marfou' Mohamed? La Dhamma ou l'Alif Alaykoum Salam Noun ou l'Waw ici ouais, l'Waw ne confond pas hein. Ne confondez pas le Noun avec quoi le Noun c'est quand ça concerne les verbes hein, nous on parle des Ism la Dhamma l'Waw ou l'Alif l'Asma Dakhala al-Mudarrisu alamat al-Raf Dhamma Dakhala al-Mudarrisuna alamat al-Raf Al waw et le noun ici ils appellent ça iwad ani tanwin ça remplace quoi la tanwin qu'il y avait dans par exemple muhandisun ou mudarrisun quand il était singulier dakhala 20 taliban طيب et on avait dit quoi par rapport à 20 il se comporte quoi comme un pluriel masculin ça veut dire il va se conjuguer quand je dis conjuguer ça veut dire il va changer quand il sera mansoub ou majrour mais barakallahu fikoum Ça s'appelle mulhaq, c'est-à-dire il rentre dans la famille du diable Moudakar Salem, le fait qu'il change quand il est mansoub et majrour. Mais sinon, en lui-même, ce n'est pas un, car il n'y a pas les conditions qu'il faut. Hein, c'est ni une description, également, ce n'est pas une chose qui résonne. Et également, si tu enlevais le waw et le noun, tu vas te retrouver avec quoi ? Avec un radical qui n'a rien à voir. Par exemple, thalathoun, 30, tu fais thalath, ça fait 3. Ce n'est pas l'union la dizaine, le mufrad. سألت المدرسة منصوب علامة النص الفتحة سألت المدرسين علامة النص الياء سألت 20 طالبا المجرور قلت للمدرس قلت للمدرسين قلت لعشرين طالبا طيب إن شاء الله أكمل الجمل الآتية بوضع كلمات التي بين القوسين في الأماكن الخالية I te demande de compléter les phrases suivantes En mettant les mots qui sont en mettant quoi les mots qui sont entre parenthèses dans les places vides. Un mithal, sa'altu al-mudarrisina. Hein, on avait quoi al-mudarris qui était entre parenthèses. Au suivant, c'est à qui Tfaddal. Yuhibbu al-mudarrisu at-tullaba al-mujtahidin. Ahsant. Hein, yuhibbu al-mudarrisa al-mudarrisu at-tullaba al-mujtahidin. Et là, machallah, le frère s'est pas trompé. Regardez bien. At-tullaba, il est quoi Il est mef'oul bi mansoub. Maintenant, faites attention à ça, Allah ybarik fikoum. Maintenant, si la description, c'est un pluriel, mudakkar, automatiquement, il faut que tu lui donnes quoi ? La place du quoi ? Du man'out, c'est-à-dire du nom qui était précédé. C'est-à-dire, ici, tolab, il est quoi ? Il est mansoub. Hein ? Et la sifa sera quoi ? Mansoub. Mais au niveau des harakats, c'est la même ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, jam' mudakkar salam, il est mansoub bi mada ? Bilya. Vous comprenez un peu ça ou non là ? Vous n'avez pas compris si ? Tout le monde a compris ? Regardez bien, ici le frère il n'a pas dit يحبوا المدرسو الطلاب المجتهدان لا parce que المجتهدون il est منصوب بماذا يا محمد بليا hein et pourtant il y a pas de mal hein المجتهدين ici regarde quand tu dis يحبوا المدرسو الطلاب المجتهدين يحبوا tu dis quoi فعل مضارع المدرسو فاعل tout le monde dit الطلاب مفعول به وعلامة النصب ما هي الفتحة المجتهدين il est quoi Sifa. Mais faut mada? Vous comprenez? Quel type d'élève il aime? Et on a dit quoi? Al-Sifa, yatba' mada? Al-man'ut, l'adjectif, il doit suivre quoi? Le nom. T'as? Mais le fait que maintenant que l'adjectif, c'est quoi? C'est un pluriel masculin. Et on sait que le mansoub ici, il est quoi? Il est avec un yas, pour ça qu'on lui met quoi? Al-mujtahidin. Mais faut mada, inshallah? Au suivant. Très bien. Al-Muslimina, naam. Qara'tu 50 safhatan. Naam. Sa'altu muhandisina. Na, c'est bien, mashallah. Un grand set. Ta'amil al-mithal, thumma adhif al-kalimat al-atiya ila al-kalimat al-lati bayn al-qawsayn. Taïb. Abna'u al-mudarrisi. Taïb. Abna, taïb, ici regardez les modafs. Al mudarrisi, il est quoi? Modafile. Et on a dit que le modafile, il est quoi? Il est majrour. Et comme ici c'est un ismoufrad, c'est la kasra qui apparaît. Tout le monde a compris? Abna ou al mudarrisin. Tout le monde dit? Al mudarrisin, c'est la même chose, il est modafile. Et le modafile, on a dit quoi? Il est majrour. C'est pour ça qu'il faut toujours s'exprimer, tu dis majrour. Tu dis pas par exemple, le modafile, il prend une kasra. Khata. C'est comme si tu dis. Al-Muf'ul bi, il prend une fatha. Vous avez compris ça? Al-Muf'ul bi, il est quoi? Il est mansoub. Le fait qu'on dit qu'il est mansoub, ça veut dire quoi? Ça permet de faire quoi? De faire entrer la fatha. La quoi? La kasra. Ça fait permet de faire entrer quoi? Le ya. Mais si tu dis que le muf'ul bi, c'est quoi une fatha, tu condamnes quoi? La kasra et le ya. Mais faut mada, c'est-à-dire al-ibara an taqoul al-Muf'ul bi mansoub ou al-Majrour, par exemple. Tu dis par exemple le modaf il est majrour, ça fait quoi? Ça fait rentrer ça. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Alors tu dis barakallahu fik abnaou al mudarrisin. Et si c'était deux, on aurait dit quoi? Abnaou mudarrisaini. Mais faut mada, Inch'Allah, si vous voulez l'écrire, écrivez-le comme ça, vous aurez appris les trois choses. Abnaou al mudarrisi, abnaou al mudarrisina et abnaou al mudarrisaini. Les enfants d'un prof. Les enfants de deux profs et les enfants des profs. Inch'Allah, c'est compris ça? Fadal. Les majrour. Il est modafilé. Ouais, voilà, c'est-à-dire, c'est même pas, tu dis pas que tu remplaces. C'est-à-dire il est mansoub et majrour bilia. Voilà. Voilà, tu dis ja'a talibani. Tout le monde dit ra'aytu talibaini. Marartu bi talibaini. Mais faut madan inchallah. طيب. Vous avez compris là le dars là? Abna'u al-mudarrisi. Abna'u al-mudarrisina. Inchallah, c'est bon? طيب. On s'arrête où? بيوت المهندسين احسن بيوت المهندسين امير المؤمنين احسنت ها كما بلونتودي ماتنو امير المؤمنين ها عمر بن الخطاب امير المؤمنين هكذا ماشي بون سيارات جي سوتي جو دكاكين البقالين بقالين طيب دكاكين البقالين ماشي بون سيارات المدرسين إمام المسلمين دين الكافرين نعم تأمل المثال ثم أكمل الجمل الأتية بوضع الكلمات التي بين القوسين في الفراغات طيب Alaykoum salam. Il te dit, regarde l'exemple. Puis complète les phrases suivantes en mettant quoi ? Les mots qui sont entre parenthèses dans le vide. Qultu lil mudarrisi. Là, il est en train de vous faire quoi ? Allah yberifikoum, si vous avez compris. Comment utiliser le dirham mudakkar salam quand il sera majrour. Et il n'y a aucune différence. Qu'il soit mudaf ou qu'il soit précédé de quoi ? D'un hafjar. Mais fou mahada ? C'est comme si je te dis quoi ? Hada al-kitabu lil mudarrisi. مفهوم ليل مدرسي هذا كتاب المدرسي dans les deux cas il a pris quoi une kasra il est majrour mais un la cause c'est le mudaf et l'autre c'est quoi le hafjar et là c'est la même chose quand il est jam' mudhakkar salim ou quand il est muthanna le duel c'est la même chose s'il est précédé d'un hafjar tu lui mets son ya majrour si c'est un mudaf tu lui mettras son ya tout le monde a compris ça inchallah qultu lil mudarrisin. Si c'était le duel, on aurait dit quoi, Mohamed ? Ahsant. Taïb ? C'est à qui, là ? Faddal ? Abhathu anil mudarrisin. Très bien. Ishtaraytu ? Ishtaraytu hada kitaba bi 50 riyalan. Naam. سمعت هذا الخبر من المدرسين. très bien. هذه الجائزة للطلاب المجتهدين. طيب اقرأ ما يلي غنفة ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة في الحروف. Hein, il te demande d'écrire ce qui va suivre là. Écra, ce qui va suivre. Et après, regardez bien, il y a les lettres. Il te demande de les écrire. Et là, on va les dire verbalement. Indi, on dira quoi ici ? Khamsouna, Rial. Mefoum ? Ah, on a fait le premier ensemble. Alors, à toi, fais le deuxième. Raïtou ? Raïtou, Khamsina, Taliban, Fil. Fil Ka'a. Hein, c'est-à-dire dans la salle. Ka'a. En suivant ? Ishtaraytou, Hadal Mahjam. المعجمة المعجمة بخمسين دولاراً. très bien. قرأت 60 صفحة. صفحة. في هذه. في هذه المجلات. في هذه المجلة. 40 صفحة. نعم. شو؟ في هذا الشهر 29 يوماً أو 30 يوماً. 29 يوماً. أو 30 يوما وفي اليوم 24 ساعة وفي الساعة وفي الساعة 60 دقيقة وفي الدقيقة كيف تتواجه يا ابن حمد فتيه مزي سيغاس كسا وفي دقيقة 60 ثانية سأجيغ سكوندا نشوف هاتي 20 برتقالة نجح 90 طالبا ورسب 20 طالبا نعم في هذه القرية نجح vous avez compris c'est dire quoi réussir et رسب échouer طيب نجح c'est réussir et رسب c'est échouer هذه القرية في هذه القرية سبعون طالبة سبع وعشرون طالبتان ثمانين وعشرون طالبتان تسع وعشرون طالبتان ثلاثون طالبتان طيب اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع الكتابة مع كتابة الأعداد الواردة في بالحروف في هذا الفصل إحدى وثلاثون طالبة très bien في اليوم ثلاث وعشرون أربعة أربعون أربعون وعشرون ساعة ساعتان ساعة عندي عندي ثلاث وثلاثون وثلاثون وثلاثون لا ثلاثون وثلاثون ثلاثون وهذا وثلاثون concentre la différence entre le singulier c'est-à-dire le 3 l'unité le il a dizaine ربيتان و وخمسون وخمسة وخمسة وربعاتون وأربعون أربعون ريالا نعم رأيته قبل 22 سنة أحسنت حفظت 66 سورة نعم في سورة الرحمن ثمانية وسبعون آية آية نعم ها الغندوس تأمل ما يلي لا أكلت ولا شربت ذلك الطالب لا حفظ الدرس ولا كتب الواجب لا ضربني ولا ضربته لا رآني ولا رأيته sans la vue ها il vous donne entre parenthèses إذا دخلت لا Vous mettez la nafia. Ala al-fi'l al-madi, wajaba tikraruha inda l'ikhbar. Mais faut mettre là. C'est-à-dire, si tu fais rentrer le la dans le fi'l al-madi, tu seras obligé de répéter. Hal ra'aita zayd, la ra'aitu wala, par exemple, ra'ani. Mais faut mettre la ra'aitu wala arifu. Hakada. Hal akalta, la akaltu wala sharibtu. Al-kalimatu al-jadidatu, ijtima'un, réunion. ثانية جمع ثواني سكوند نجح ينجح عفوا réussir قصة جمع قصص histoire أسرة جمع أسر فمي رسب يرسب ça veut dire échouer نبي جمع نبيون أنبياء comme là un exemple نبيون أو أنبياء جائزة جمع جوائز récompense trophée قاعة جمع قاعات هاد تبي دير انسان طيب الى لا الى هنا يا اخوان هذا سان درس كي امبورطون ابري ها سي فو ليزي اون ان ا بارلي سي جوست اون كونكلوزيون تو سا بارك الله فيكم